puissance de la manipulation. Puissance de Satan. Puissance du mal. L'antipuissance de l'homme. C'est la même chose. Je sais pas si on m'a laissé plus de laisse qu'à Mario. Il y a des histoires sur les forces de manipulation, sur les forces du mal, sur les forces dites sataniques, donc reliées à la condition matérielle, mémorielle, la planète. On dit que Satan est le prince de ce monde. S'il est le prince de ce monde, nous devrions donc tous être ses fidèles. Toutes les théologies parlent d'une condition anti-yavique, c'est-à-dire anti-bénéfique, mauvaise. Toutes les théologies parlent ou ont un culte de force du mal, de force refroidissante, de force d'involution. Et quel que soit le nom, finalement, ils définissent les mêmes conditions. Quelque chose qui empêche l'homme d'être bien, qui empêche l'homme d'être heureux, qui empêche l'homme de vivre en paix, qui continuellement manipule l'homme à se battre, à se chicaner, à se disputer, à se voler, à engendrer des sociétés qui, de toute façon, auront peur de mourir, et qui voudront se battre contre d'autres sociétés, engendrer des continents qui peuvent même se battre contre d'autres continents, et finalement engendrer des religions qui ne seront même pas satisfaites d'être déjà engendrées, et les religions se battront elles-mêmes entre eux-mêmes. Toutes les dieux, de quelque religion que ce soit, instruisent l'homme de la loi. S'ils instruisent l'homme de la loi, c'est que quelque chose d'autre peut faire en sorte que l'homme accomplisse autre chose que la loi. Alors, quelle que soit la religion, quel que soit le contexte, il y a effectivement une mécanicité involutive, une mécanicité qui rend l'homme stagnant dans son évolution, dans sa démarche améliorative. Et cette chose qui, catholiquement ou chrétiennement, porte le nom de Satan, ça porte d'autres noms, ça ne me dérange pas, est quelque chose qui manipule l'homme. Manipule évidemment la femme et l'enfant. Quand on parle de l'homme, on parle de l'humain. C'est la langue française. C'est un problème, mais on parle en français. Lorsque l'on veut accomplir quelque chose, on manque de volonté. Lorsque l'on veut maigrir, ça demande de la volonté. On doit lutter contre quelque chose. Lorsque l'on veut être plus patient, on doit encore lutter contre quelque chose. Toute la vie de l'homme est finalement une lutte. Une lutte où il perd et il gagne, et il perd et il gagne. Et bien souvent, ce sont les générations suivantes qui vont bénéficier de ses succès, alors que l'homme reste confiné pendant sa vie, à supporter quelques instants son succès et à passer le reste de sa vie à lutter pour ne pas le perdre. Bien souvent, on n'a pas le temps de profiter de ce que l'on réussit parce qu'on est encore occupé à s'arranger pour ne pas le perdre trop vite. Alors, on gagne l'état d'adulte et maintenant, on va vers la vieillesse. On gagne de l'argent et nécessairement, elle s'en ira. Si on ne la dépense même pas, l'inflation va quand même la gruger. Elle la dépensera dans notre compte en banque. Quel que soit ce que nous avons, nous voulons avoir une famille, nous avons des enfants, les enfants vieillissent et les enfants partent et la famille meurt. Nous voulons une maison et elle doit être entretenue. Est-ce qu'on bénéficie de la maison ou si la maison bénéficie de notre aide pour l'entretenir? On veut une automobile, on l'a et elle peut rouiller. Quel que soit ce que l'humain réussit à acquérir, il travaille pour l'acquérir et lorsqu'il l'a, il travaille pour le garder. Même au niveau de la psychologie de l'homme, même au niveau du système évolutif, de l'amélioration de l'humain, à travers toutes les humanités qui ont vécu sur cette planète, toutes ces humanités ont réussi à acquérir, ont travaillé pour ne pas perdre, et de toute façon, elles ont perdu. Il y a une puissance phénoménale qui manipule la planète. Il y a sur cette planète des choses que l'humain appelle le bien et des choses que l'humain appelle le mal. Je ne parle pas nécessairement de péché. Le péché, c'est simplement la vision émotive d'une chose inécologique, d'une chose inintelligente. C'est la vision émotive. C'est un péché que de tuer quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas un péché, c'est simplement stupide. Sauf lorsqu'il y a une raison intelligente. Et lorsqu'il y a une raison intelligente, même l'Église n'appelle pas ça un péché. Les croisades n'étaient quand même pas un péché du point de vue de l'Église, mais on tuait. Il y a donc une dualité. Nous sommes dans un monde polarisé, un monde de bien et de mal, un monde de grand et de petit, un monde d'involué et d'évolué, un monde de snob et d'humble. Et il y a dans ce monde deux choses que l'humain a toujours réussi à voir et une troisième chose que l'humain n'a finalement jamais vue. Alors, il y a dans l'Antiquité des êtres humains qui voulaient évoluer, qui voulaient s'améliorer, qui voulaient changer leurs conditions de vie, qui vivaient avec un homme ou avec une femme et qui voulaient vivre heureux, qui avaient des enfants et qui voulaient vivre heureux, qui avaient une maison et qui voulaient vivre heureux, qui avaient des champs, qui avaient un emploi et qui voulaient vivre heureux. Mais ils ne vivaient pas heureux. Continuellement, le voisin chialait, ça faisait du bruit, la vache mourait. Les plants ne poussaient pas convenablement. Les enfants faisaient des vols ou des petits. Alors l'humain a engendré une démarche, une recherche. L'humain est un être qui, au fin fond de lui, est obligé, est poussé à évoluer, c'est-à-dire à s'améliorer. L'humain est un être qui est pacifique, qui est bien, qui est parfait. Le problème, c'est qu'à un moment donné, chez lui, naît une question. Et lorsque l'être humain commence à se poser des questions, au yable le bonheur, au yable la paix, il est fait. Une question est venue dans sa tête et maintenant il devra trouver la réponse. Et le problème, c'est que lorsqu'il trouve une réponse, la réponse lui amène simplement une autre question. Et à travers l'évolution des humanités, nos têtes sont maintenant remplies de plein de questions. Pas juste les questions habituelles, d'où je viens, qu'est-ce que je fais et où je vais, mais aussi à quoi sert Dieu? À quoi sert l'évolution? On vit pourquoi? Le gros pourquoi d'ailleurs, qui s'applique à n'importe quelle réponse. Pourquoi les enfants viennent au monde? Bien, pour que la race soit préservée. Pourquoi préserver la race? Bien, parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Pourquoi Dieu a voulu ça comme ça? Bien, c'est à cause que c'était son idée. Et pourquoi c'était son idée? Bien, voilà la question imbécile de tous les enfants. Pourquoi? Et dans ce pourquoi, il n'y a jamais de fin. Parce que l'être humain un jour a osé poser pourquoi. Il a été obligé d'évoluer. Et dans son évolution, il y a la guerre, la lutte, le problème. Les forces qui veulent conserver foi, les forces d'involution, les forces du mal, les forces qui manipulent l'humain et les forces qui, de toute façon, l'obligent à avancer. Notre personne qui a sa maison, qui vit son bonheur, elle se rend compte que finalement, lorsqu'il pleut trop, le champ est inondé. Lorsqu'il pleut pas assez, le champ est asséché. Et l'être humain a engendré des écoles, des philosophies qui l'ont poussé à vouloir connaître le problème. Pourquoi cette merde planétaire? Alors il a cherché, il a compris, il a dit c'est le voisin, il a dit c'est la vache, il a dit c'est le champ, il a dit c'est le dieu de la pluie, le dieu de l'amour, le dieu des dieux. Il a dit de toute façon c'est l'univers. Alors il s'est mis en quête de changer le monde. Alors il est entré en guerre contre les voisins. Alors il a battu sa femme s'il avait la puissance musculaire pour le faire. Alors il a tout fait. Il a fait des offrandes à ses dieux. Il a même banni les dieux. Il a tué pour eux et il les a tués. Et lentement, les dieux sont devenus un dieu. Et les dieux inférieurs sont devenus les hiérarchies. Les hiérarchies archangéliques, etc., les saints, à travers les religions. Mais encore là, l'homme, maintenant qu'il avait à plus ou moins amadoué émotivement, théologiquement, le monde, eh bien, tout ce qu'il avait, c'est qu'il souffrait encore, la vache mourait toujours, il y avait encore des inondations, encore des sécheresses, encore des problèmes. Et là, la réponse qu'il pouvait se donner, c'était que les voies de Dieu étant impénétrables, ferme ta gueule, va te coucher. Mais, encore une fois, le pourquoi est surgi dans la tête de l'homme, ou d'un imbécile d'enfant, qui veut dire pourquoi les voies de Dieu sont pas pénétrables. Et puis, on a recommencé à chercher. Et là, l'homme qui avait été investi d'une idée folle, celle qu'il avait un libre arbitre, alors là, l'homme qui avait suffisamment d'ego pour croire qu'il avait un libre arbitre, a pensé que c'était lui le problème. Alors, toutes les écoles qui changeaient le monde, la majorité ont été changées, et est venue au monde des écoles qui changeaient l'homme, l'intérieur de l'homme. Alors maintenant, on avait une autre philosophie du problème. Pas de la vie, du problème. La vie, c'est quoi? C'est un problème majeur. Alors, on avait une philosophie du problème. Si ma vache meurt, c'est de ma faute. Si mon champ est inondé, c'est de ma faute. Si ma femme n'est pas fertile, c'est de ma faute. Si mon mari n'est pas fertile, c'est de ma faute. Si mes enfants sont ceci ou cela, c'est de ma faute. Si notre pays rentre en guerre, c'est de ma faute. Alors je vais méditer, je vais prier, je vais me changer et je changerai le monde. Le premier qui s'est changé, on l'a tué. Puis ceux qui sont changés par la suite vont les éliminer aussi. Parce qu'un être humain qui devient intelligent dans une société, c'est dangereux pour la société. Enfin, c'est dangereux pour les gouvernements. Et quand une société est intelligente, un gouvernement ne dirige plus rien. Alors, on a eu plusieurs écoles philosophiques, les écoles traditionnelles, ainsi que la majorité des religions, où on vous disait, c'est de ta faute. Viens te confesser, tu as péché, ne recommence plus. Alors, l'humain qui se dit, je ne recommence plus, il rentre dans un magasin, et puis là, sa main se lève, et puis là, il a le goût de piquer ça. Puis là, il ne recommence plus. Puis là, il passe une semaine à ne pas recommencer, à ne pas dormir, par exemple, à être colérique, à être impatient, à vivre tout croche à travers sa famille. Il a un besoin, faire un vol. Quand Claude Charron piquait un veston, c'est pas parce qu'il manquait d'argent, c'est pas parce qu'il manquait de veston. Il a quand même volé un veston. Alors notre personne, eh bien, elle ne recommence pas, c'est de sa faute. Mais c'est de sa faute, sa main se lève, elle transpire, elle vient toute mal, puis quand elle a fait son petit vol à l'étalage, elle sort, elle sent libre. Alors, c'est où sa faute? Les personnes qui veulent maigrir, c'est de leur faute. Ils n'ont pas de volonté. Ça, c'est ceux qui sont maigres qui disent ça. Ou ceux qui n'ont eu aucun problème à maigrir. Ceux qui n'ont pas été accrochés, manipulés à rester gros. Ceux-là, celui qui fume, qui dit, bah, tiens, j'arrête. Puis, effectivement, il arrête. Ben, il se dit, c'est facile. Celui, ça fait 20 fois, 30 fois, 40 fois qu'il arrête. Il sait que c'est facile. C'est de ne pas recommencer qu'il trouve dur. Notre personne... Elle marche, ça va, c'est beau, la vie est belle, c'est merveilleux. Il reste un problème. Un problème qui fait qu'elle se pose la question, pourquoi ai-je recommencé? Pourquoi l'ai-je encore fait? Le gars qui couche avec une autre fille, puis pourtant qui adore sa femme. La mère ou le père qui boit ses enfants et qui par la suite regrette. Chaque fois que l'être humain regrette, c'est parce qu'il a fait ce qu'il ne voulait pas faire. Sinon, il ne regretterait pas. Moi, quand je mange un cornet puis je vais en manger un, je ne regrette pas après. Mais si j'en mange un puis après ça, je regrette, une chose que je peux me dire, c'est que je l'ai mangé, mais je ne voulais pas le manger. Alors, il ne sait pas c'est quoi. Finalement, on a des familles et des sociétés où chaque être humain veut vivre en paix. Veut être patient, veut être heureux, veut être bien, veut communiquer avec ses enfants ou avec ses parents, avec les voisins, veut vivre dans un travail où il y aura une bonne relation entre les personnes, veut s'en aller en automobile sur la route et puis laisser passer quelqu'un qui veut passer, puis on le laisse passer quand ça donne. Chaque être humain veut bien vivre. On sait que prendre la boisson, prendre le volant, c'est dangereux. Ça cause la mort. On sait. Sauf que, même si on sait tout, l'humanité ne semble pas être changée par notre connaissance. Comment pouvons-nous rencontrer le premier soviétique et le premier américain, les réunir dans une même pièce, puis leur dire simplement, la guerre, c'est stupide, c'est illogique. Leur dire juste que ça serait plus sécurisant, moins stressant pour les deux peuples, si les deux peuples seraient convaincus que les deux peuples ne se battront pas. Celui qui aura le plus peur va attaquer, cessons d'avoir peur. Et que ça serait facile. Et les deux bonhommes vont nous dire, oui, c'est évident, mais si je désarme, il n'y a rien qui me dit que tu vas désarmer. Et l'autre, il dit, oui, mais moi, je vais désarmer. Mais si je désarme, qui me dit que tu vas désarmer? Les deux savent, les deux sont d'accord, tous les peuples sont d'accord, et les peuples vont quand même se battre. Alors, il y a quelque chose. La première école, elle a dit, c'est à l'extérieur, changeons le monde, capoche les voisins, puis tu vas être heureux après. Ça n'a pas marché. La deuxième école a dit, bien, t'approches tout au même. Puis quand tu seras assez approché, le monde va changer. Ça n'a pas marché non plus. Alors, il se passe quoi? Il y a une force, une puissance qui vit en même temps que nous sur cette planète. C'est évident. Nous sommes intelligents. Nous savons ce qu'il doit être fait. Nous sommes suffisamment conséquentiels. Nous savons que polluer tue et on va finir par en mourir. Nous savons cela. Nous ne changeons rien. Et il y a des raisons. On va dire, oui, mais c'est des raisons politiques. C'est des raisons politiques, ça veut dire que le gouvernement ne change rien parce que s'il change, le peuple ne réélira pas. Alors, ce n'est pas une raison politique, c'est une raison populaire. C'est le peuple. Si le peuple décide de dépolluer, le gouvernement qui ne voudra pas, il ne sera pas élu. Alors, ce n'est pas une question politique, c'est une question populaire. C'est une question sociale. C'est nous autres. Alors là, on va dire, alors on change quoi? Est-ce que je me change moi ou est-ce que je te change toi? Est-ce qu'on transforme l'extérieur ou l'intérieur? On fait quoi? Alors l'humain va trouver une réponse facile, c'est bien changeons les deux. Mais avant de se lancer dans une quête pour toujours tout changer quelque chose, il faudra savoir s'il y a quelque chose à changer. Tout d'un coup que l'humain est parfait. Tout d'un coup que l'extérieur est parfait. Qu'il y a quand même un ennemi qu'on n'a jamais cerné. Au nom du fait qu'apparemment, on a un libre-arbitre. Alors, nous avons un libre-arbitre. Quand nous achetons un billet de loterie, c'est nécessairement pour perdre. Hein? Alors, j'achète un billet de loterie et je perds. J'ai un libre-arbitre. Je l'ai acheté, je voulais perdre, j'ai perdu. Voilà, j'ai un libre-arbitre. C'est bon, ça marche. Bon, quand j'ai un accident d'automobile, badang, paf, paf, c'est ce que je voulais. Et il y a des psychologues, il y a des humains qui ont écrit des livres et qui, de temps en temps, à la radio, ont dit ça. Vous avez eu un accident, madame? Vous avez eu un accident, monsieur? C'est parce que vous le vouliez. Inconsciemment, subconsciemment, vous en aviez besoin. Vous le vouliez. Mais Torieux, comment ça se fait qu'inconsciemment, tout ce que je veux, c'est mauvais? Pourquoi qu'inconsciemment, je ne gagnerais pas à la loterie? Pourquoi inconsciemment, je ne survivrais pas à telle affaire ou telle affaire? Pourquoi inconsciemment, on ne me lèguerait pas une maison? Pourquoi qu'inconsciemment, c'est toujours les problèmes qui me tombent sur la tête? Simplement parce qu'inconsciemment, vous ne déterminez rien. Mais c'est simplement que l'homme veut préserver son illusion du libre-arbitre. Alors, vu qu'on a un libre-arbitre, mais si c'est pas consciemment que je me casse la gueule, il faut bien que ce soit inconsciemment, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, on a cette illusion du libre-arbitre, et parce qu'on est convaincu qu'on a un libre-arbitre, que c'est nous qui décidons ce que nous allons faire, eh bien, à cause de cela, nous sommes prêts à porter sur nos épaules le poids de toutes les conneries qui se passent dans nos vies, si ce n'est pas les conneries qui se passent à la planète. Et pendant qu'on est occupé à supporter ce poids, bien, on ne peut pas travailler contre l'ennemi. On ne peut pas travailler contre la manipulation. On ne peut pas travailler contre les forces d'involution. On ne peut pas travailler contre ce que l'Église appelle les forces sataniques. Manipuler à un point tel que même les Églises d'aujourd'hui ne croient plus à Satan. Bon. Quand un homme, quand une femme, quand un enfant est convaincu d'être son seul maître, il ne devrait jamais se sentir coupable. Parce que s'il est son seul maître, il sait ce qu'il fait. S'il le fait, c'est qu'il le fait. S'il le dit, c'est qu'il le dit. Dans une chicane, après la chicane, on dit « Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. » Et la question, « Mais pourquoi tu l'as dit? » Les mots ont dépassé ma pensée. Mais t'étais où pendant que tu parlais? Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Voilà, c'est ça le problème. Tu sais pas qu'est-ce qui t'a pris. Qu'est-ce qui t'a possédé? Qu'est-ce qui t'a ramassé? Qu'est-ce qui t'a manipulé? Mais parce qu'on veut absolument avoir un libre-arbitre, même ce que l'on ne veut pas faire, même ce qu'on ne veut pas avoir fait, eh bien, on se dit qu'on l'a fait, puis qu'on ne comprend pas pourquoi on l'a fait. J'ai rencontré des prisonniers dans des centres carcérales ici. Il y en a qui avaient tué, ils ne savent pas pourquoi. Il y en a qui avaient violé, ils ne savent pas pourquoi. Ils sont en prison. Ils savent pourquoi. Le problème, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ont fait cela. Leur corps physique a servi de véhicule pour exprimer une chose, soit, mais eux, ils n'étaient pas là. Ils sont pas au courant. Ils savent pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, il y a quelque chose que l'humain doit obligatoirement voir. On ne sait pas que si on parle de Satan, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille peur et qu'on dorme les couvertes par de sa tête, etc. C'est pas dangereux, Satan. Ça manipule l'humanité depuis que l'humanité existe. C'est pas un gros problème, c'est là. C'est pas parce qu'on voit un problème que le problème devient plus grand. Le problème devient plus visible, c'est tout. Et quand on voit un problème, on peut travailler contre. La puissance de la manipulation, elle réside dans le fait que l'homme est convaincu qu'il a un libre arbitre. Je parle de temps en temps dans le séminaire que je donne de ce libre arbitre. Et on en parle suffisamment pour que les individus finissent par comprendre qu'effectivement, il n'y en a pas. Bon, là, on ne fait pas un qu'en parler, on le prouve carrément. Ils viennent tous frustrés, puis c'est la preuve qu'ils ne sont pas leurs contrôleurs. Je leur demande, est-ce que tu voulais être frustré? Ben non, mais pourquoi t'es frustré? C'est ça, je te dis, t'es manipulé, c'est simple, t'as pas de libre arbitre. Et même si j'en parle souvent, bien des personnes qui ont compris oublient. Et la puissance de la manipulation réside justement dans le fait que l'humain reste convaincu qu'il est son seul maître. La question qu'on peut poser, est-ce que l'humain peut devenir son seul maître? Oui. Est-ce que l'humain est son seul maître? Non. Pourquoi il n'est pas son seul maître? Premièrement, parce qu'il est collectivement relié. Il est restreint à penser d'une façon normale. Il ne peut pas être naturel. Il préfère être croche, mais normal. En plus, l'humain est bâti sur un schéma, une trame, qu'on appelle un archétype, qui oblige l'humain à être totalement manipulé par des forces qui possèdent ou manipulent tout ce que l'humain fait. Savez-vous que lorsque vous êtes en colère, vous exprimez une émotion? Lorsque vous êtes joyeux, vous exprimez une émotion? Lorsque vous avez peur, vous exprimez une émotion. Lorsque vous êtes jaloux, vous exprimez une émotion. Lorsque vous jouissez, vous exprimez une émotion. Lorsque vous riez, vous exprimez une émotion. Lorsqu'on s'ennuie, on exprime une émotion. Et pourquoi l'homme exprime-t-il tant d'émotions? À quoi ça sert d'exprimer une émotion? Il se trouve que quand une personne est triste à côté de vous, puis que vous êtes heureux, si la personne est à côté parce qu'elle va broyer, ça va vous toucher. On est relié collectivement. Si elle est triste, je vais être triste. Mais il y a une autre chose, c'est que sa tristesse, son émotion, est donc communicable. Si elle est communicable, c'est qu'elle voyage. Pas juste télépathiquement, d'une façon astrale, d'une façon psychologique, d'une façon énergétique, il y a plusieurs façons de voyager. Mais lorsque l'être humain émet une émotion, il nourrit quelque chose. Savez-vous qu'une personne qui découvre subitement le cadavre de son ami, de son mari ou d'un de ses enfants dans sa maison, émet un quota d'émotions qui est suffisant pour faire pousser une fleur. Sauf que l'émotion nourrit une partie de cette planète. Une partie de cette planète, dernièrement, on avait ici un prêtre qui me posait une question, et c'était intéressant, parce qu'il me disait, dernièrement, la science a découvert, ça fait des années et des années qu'on le dit, mais dernièrement, la science a découvert que simplement un atome, que l'énergie contenue dans un atome était capable de mémoriser autant de mémoire qu'un paquet d'ordinateurs. C'est ce qu'on appelle le monde de la mort, le monde astral, ce qu'on appelle aussi le ciel, c'est-à-dire que c'est l'atmosphère terrestre. C'est de la matière qui est très, très, très diluée. On peut passer dedans, mais on sent le vent, on sent les atomes nous frapper, les molécules d'air nous frapper quand on passe la main vite. Et ça mémorise. Dans cette mémoire, il y a nécessairement, comme dans l'être humain, de la mémoire, il y a de l'identification. Et dans beaucoup de mémoires, lorsqu'il y a énormément de mémoire, lorsque la mémoire est répétée continuellement, il naît une identification, un je, un moi, qui va vivre de deux facettes. Il va premièrement avoir besoin de se nourrir, de se rappeler qu'il est lui. Pour cela, il devra s'exprimer. Toutes les psychologies, tous les humains doivent s'exprimer, sinon ils n'ont plus l'impression de vivre. Et deuxièmement, ils doivent revivre des mêmes stimulations pour nourrir les mêmes mémoires. Et c'est pourquoi l'être humain a des habitudes et se plaît dans les choses qu'il connaît et par contre va être insécure dans les choses qu'il ne connaît pas ou dans un monde qu'il ne connaît pas. L'être humain fuit le connu, il fuit l'inconnu et veut vivre dans le connu. Et dans cette atmosphère terrestre, dans ce ciel, il y a aussi la même chose. Il y a des entités, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes mémoriels qui finissent par s'identifier, ça crée des égrégores. Il y a des égrégores comme l'égrégore national. Les Français sont extrêmement nationalistes. Ils, pour la patrie, ils feraient n'importe quoi. Pas le journal. Pays. Les Italiens ont des égrégores qui sont familiales. Allez donner une claque en pleine face à un Italien, là, c'est toute la famille, ça leur est frappé. Les Juifs, il y a beaucoup de nations qui ont des égrégores familiales. Le Québécois en a eu un égrégore familial, il a tendance à se désagréger. Alors, on parle de l'éclatement de la famille. Parce que l'égrégore familial tend à se désagréger. Mon petit frère se fait taper, puis il vient me voir, puis je dis, ben, c'est certain qu'il ne va pas y aller. Oui, mais... Bon. Alors, on parle de l'éclatement du noyau par l'éclatement de l'égrégore. Et c'est intelligent que l'égrégore s'éclate. Il y a des égrégores religieux, des dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme, qui vont chapeauter des milliers, sinon des millions d'êtres humains, et qui auront besoin de l'homme pour se nourrir. Ils auront besoin de l'émotion de l'homme, de la dévotion de l'homme. On parle d'émotion. L'amour psychologique, pas l'amour intelligent. L'amour psychologique est une émotion. L'amour intelligent est un sentiment, c'est autre chose. Alors nécessairement, les humains devront aimer ou craindre leur Dieu. Ils devront vivre émotivement. Alors, il arrive ceci. Il arrive que dans ce contexte planétaire, il y a des mémoires qui se sont agglomérées, des mémoires qui se sont répétées à travers ces 4,5 milliards d'années de création planétaire et ces quelques millions d'années, disons, d'évolution par l'être humain, des mémoires de guerre, des mémoires qui, dans les premiers temps, étaient des mémoires extrêmement basses. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'homme, pas de taverne, mais l'homme de caverne, à l'époque de l'homme du Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, ces êtres humains, eh bien, ça n'arrivait jamais que lorsqu'une personne tombait et elle disait « Ouch », que l'homme de Cro-Magnon à côté disait « Oh, tu t'es fait mal! » Jamais. L'homme de Cro-Magnon, ouais, s'il filait pas dessus, il ne voyait même pas. Ça n'avait pas d'importance, il ne savait à peu près même pas qu'il vivait, alors tuer, ça ne dérangeait pas, puis quand il mourait, ben, il ne mourait pas, il ne vivait pas de vous. Ça créait quoi? Ça a créé des mémoires qui se sont répétées à travers le temps, des mémoires de belligérance, des mémoires extrêmement denses, des mémoires qui portent, lorsque l'être humain devient plus conscientisé, le nom de Satan. Des mémoires hyper matérielles, des mémoires où l'être humain avait une sécurité lorsqu'il y avait un gros gigot de dinosaures en avant de lui. Là, l'humain était sécure. Alors, nécessairement, il adorait la matière. Lentement, lorsqu'il pouvait avoir une femme, le bonhomme, pour pouvoir passer ses... Enfin, disons, pour pouvoir engendrer... c'était sécure. Et lentement, à travers cela, ils se sont formés en clans parce que l'égrégore a réuni les êtres humains qui formaient, qui pensaient, qui vivaient de la même façon. Ils ont formé des clans et des cultes des ancêtres. Ça n'a pas été long. Et lentement, les ancêtres se sont battus, les clans se battaient entre eux. Et finalement, à force de se battre entre eux, ils expérimentaient tellement la même chose que les dieux finissaient par se souder, les clans finissaient par se souder. Ça engendrait des peuples, des tribus, disons. Lentement, le même processus pour engendrer des peuples, et finalement, ben, ces peuples aujourd'hui ont des égrégores majeurs qui ont réussi à s'allier à travers certains égrégores théologiques, mais à travers toutes les théologies, il y a toujours la vieille mémoire de quand ça a commencé. Et quand ça a commencé, ce n'était pas beau, et ce n'était pas beau tient à rester vivant. Alors, il y a des phénomènes de ce monde de la mort, de ce ciel, des égrégores qui manipulent l'humain. Un individu qui prend de la drogue dégage dans son trip, dans son voyage astral, suffisamment d'émotions pour pouvoir engendrer un cheval. Un être humain qui pense au suicide pendant 2 ans dégage suffisamment d'émotions pour pouvoir aussi engendrer un cheval. C'est de l'énergie que nous gaspillons. Cette énergie-là, nous le savons. Riez pendant longtemps, votre corps va être épuisé. Pleurer pendant longtemps, c'est dangereux. Vivez trop d'émotions. Prenez qu'une personne qui souffre d'angine de poitrine. Ben, donnez-y assez d'émotions, vous allez la tuer. Parce que l'émotion, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, lorsqu'on l'exprime, on nourrit quelque chose. Alors, nécessairement, les mécanismes qui manipulent l'homme et qui ont engendré, qui ont instruit l'homme qu'il avait un libre-arbitre tel qu'il était actuellement, bien, viennent penser dans leur tête, et pensant dans leur tête, ils peuvent maintenant faire ce qu'ils veulent avec l'humain. L'être humain est investi de conscience, une conscience instantanée qui lui permet de savoir qu'il vit, de savoir qu'est-ce qui est intelligent. Mais cette conscience instantanée n'a pas le contrôle du mental de l'homme, elle n'a pas le contrôle du système endocrinien de l'homme, elle n'a pas le contrôle du corps de l'homme. Donc l'homme sait qu'il ne doit pas, puis il s'observe le faire. Voilà. Alors l'être humain est manipulé. Mais étant donné que l'être humain est convaincu que dans l'état actuel des choses, il a un libre arbitre, il met la faute sur lui. Plaçant la faute sur lui, il ne cherche pas ailleurs. Ne cherchant pas ailleurs, eh bien, à travers 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, l'humanité ne change pas. La matière de l'humanité change. Au lieu de se promener à cheval, on se promène en automobile ou en avion réaction, sinon en navette spatiale. La matière change. L'être humain sait encore plus que jamais ce qu'il a besoin, ce qu'il devrait faire. Mais il ne peut pas plus qu'avant exprimer son savoir. Premièrement, il y a la tradition. Ça se fait pas. On ne l'a jamais fait, je ne sais pas pourquoi on le ferait. On continue à nourrir les vieilles mémoires. Et à travers ce genre de vie, l'être humain fait ceci. Il pense. Parce qu'un être humain parfaitement heureux ne pense pas. Un être humain qui vit la joie à la perfection. Oui, bien, si on ne pense pas, on fait quoi? On est assis sur une chaise berçante, puis on attend. Non. Lorsque moi, j'ai soif, je bois de l'eau. Je n'ai pas besoin de dire, ah, j'ai soif. Bon, bien, si j'ai soif, je vais boire de l'eau. Bon, bien, je vais ouvrir le robinet, mettre un verre en dessous, parce que sinon, ah, bien, je vois. Non, jamais. Je n'ai pas besoin de penser, je bois de l'eau. C'est tellement plus simple. Lorsque nous vivons, c'est toujours la même chose. L'être humain pense. Alors, on prend une balle de baseball, et puis on vous la lance en direction de votre nez. Et on lance une balle à chacun d'entre vous ici. C'est facile de savoir ceux qui pensent. Tous ceux qui vont l'avoir en pleine face, c'est ceux qui pensaient. Parce que là, on se demande qu'est-ce qui paf. Si on ne pense pas, on se tasse et on l'attrape. C'est plus simple. Le gars qui joue au tennis, pendant qu'il joue au tennis, il oublie ses problèmes. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas penser. Ou bien il pense, puis là, on va dire, voyons, qu'est-ce que toi, tu joues bien mal? Mais c'est sûr, il ne peut pas jouer convenablement s'il pense. La pensée ne rend pas l'homme efficace. Elle le rend assujettissable. Elle le rend manipulable. Lorsque, et je l'ai dit souvent et je le répète, lorsque l'être humain se couche dans son lit et qu'il veut dormir et qu'il n'arrive pas à dormir parce que ça pense dans sa tête, il faudrait qu'il envisage la possibilité que ce n'est pas lui qui pense. Toutes les écoles, toutes les églises ont voulu enseigner à l'homme comment contrôler sa pensée. Si j'ai à contrôler une chose, c'est que cette chose n'est pas moi. C'est simple, c'est logique, c'est évident. Mais parce que dans la pensée, il y a la pensée du libre-arbitre, et parce que l'ego est investi de mémoire, d'expérience du fait qu'il a pensé, on ne veut pas perdre notre pensée. Alors on veut l'améliorer, notre pensée. Alors on se dit, je vais suivre des cours de relations humaines, je vais suivre des cours de philosophie, je vais suivre des cours de psychologie, je vais vivre. Et je vais améliorer ma pensée. Je vais reprogrammer ma pensée. C'est ce que Joseph Murphy a voulu donner à l'humanité. Reprogrammer donc votre mémoire. On appelle ça l'inconscient. Mais l'inconscient, c'est le conscient qu'on n'a pas présentement à la conscience, c'est tout. Alors, reprogrammer. Donc, réinstruire notre pensée. Mais si nous avons la faculté d'instruire notre pensée, ce n'est pas la pensée qui veut s'instruire elle-même. La pensée de colère ne dit pas, bon, ben là, je vais devenir pacifique. Non, jamais. Il y a quelque chose d'autre, une logistique, une intelligence qui habite chaque être humain et qui tente de communiquer avec. Et c'est ce que j'appelle, moi, le savoir instantané, l'intelligence active, l'intelligence qui n'est pas reliée à la mémoire expérientielle de l'ego, l'intelligence pure. C'est ce que la théologie appelle l'esprit saint, un esprit qui n'est pas coloré. Par le désir, par l'émotion, par la mémoire de l'homme. Alors, l'être humain doit obligatoirement bien comprendre qu'il n'est pas coupable de quoi que ce soit, même s'il va payer pour. Et c'est ça qui est embêtant. Si Nous savons ce que nous faisons. Cela veut dire que nous connaissons les conséquences de nos actes. Connaître la conséquence de son acte lorsque l'on accomplit l'acte est une expression de l'intelligence, une expression de l'être humain. Pas de l'animal humain, de l'être humain. Mais là, on va dire, oui, mais quand le gars, il a fait un vol, il connaissait les conséquences de son acte. Non, il ne les connaissait pas. Il les connaissait avant, il les connaît après, et il ne les connaît pas pendant. Lorsque l'individu rentre faire un vol à l'étalage, vous pouvez juste faire l'essai à un moment donné. Allez pas toutes dans le même dépanneur. Alors, on rentre et puis on voit une barre de chocolat et puis là, il n'y a personne qui nous regarde et puis là, on a le goût. On ne pense pas à la conséquence si on se fait pincer. On ne pense même pas à la conséquence inécologique de simplement voler. Alors, on a le goût, voilà, on ne pense pas à la conséquence. On ne la connaît pas le temps qu'on le fait parce que nous ne sommes pas là. Quelque chose nous omnibule. Lorsque la personne qui veut maigrir regarde son gros morceau de gâteau, puis elle se dit « Ah, faut pas que je mange ça. » Et voilà, là maintenant, elle ne pense plus qu'il ne faut pas qu'elle mange. Là, elle regarde, puis elle est déjà en train de le manger. Et puis là, ben là, elle dit « Ah, puis merde. Puis merde. Merde quoi? Ah, rien. Je le mange. Oui, mais pourquoi tu le manges? Parce que j'ai le goût. Oui, mais la conséquence? Oui, y a la conséquence? » Là, tu fuis. Pendant qu'elle le bouffe, elle ne connaît pas la conséquence. Après qu'elle l'aille bouffer, la chose qui manipulait, qui avait besoin de se nourrir de ce qui va être exprimé pendant qu'elle va déguster le gâteau, bien, la chose se retire, maintenant elle est nourrie. Et il reste quoi? Il reste la personne qui veut maigrir devant son assiette vide. Il reste ça. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait? Maudit! Et ça va recommencer comme ça pendant combien d'années? On parle du gâteau, ça peut être pour une relation sexuelle, ça peut être pour une masturbation, ça peut être pour une sortie, ça peut être pour l'alcool, ça peut être pour trop lire, ça peut être pour écouter des vidéos au lieu de dormir, ça peut être pour chialer, ça peut être pour n'importe quoi. Avant, on sait. Pendant, après, on sait. Et là, on va dire, j'ai un problème. Je manque de volonté. J'ai déjà expliqué que la volonté n'était pas la cause, n'était pas le problème. Savez-vous qu'est-ce que c'est que la volonté? La volonté, c'est la capacité que nous avons d'appliquer ce que nous appliquons. C'est simple. Alors, il y a une personne dans la salle ici qui est extrêmement paresseuse. Elle s'évache régulièrement, puis elle ne fait rien. Elle travaille pour le gouvernement fédéral et sur l'assistance sociale, puis elle ne fait rien. Elle a la volonté de rester évachée la journée longue. Et c'est dur de rester vaché une journée à rien faire. Parce qu'il y a une autre personne ici qui est un grand travaillant. Et lui, le matin, il se lève, il s'habille, il se rase, où elle se met belle, et puis elle part travailler. Elle arrive, elle a hâte, puis elle travaille, puis elle travaille, puis elle travaille, puis à 4h, 4h30, elle est supposée s'en aller, puis elle continue. Elle c'est son propre patron, demain, puisque sinon. Et elle continue. Et elle fait ça 6 jours, peut-être 7 jours. Elle revient chez elle, puis elle continue à penser, ça travaille toujours. Elle a une idée, elle dessine, elle place, elle écrit. Elle comptabilise, elle téléphone. Elle a la volonté de travailler. Elle a la même volonté que celui qui ne fait rien. Parce que demander à cette personne-là de passer un mois à rien faire, elle n'aura pas la volonté de le faire, elle ne sera pas capable. Demander au paresseux de travailler, elle ne sera pas capable, lui non plus. Les deux n'ont pas assez de volonté. Ou les deux ont assez de volonté. Le paresseux n'a pas la volonté de travailler, mais il a la volonté de rien faire. Le travailleur n'a pas la volonté d'arrêter, mais il a la volonté de travailler. Alors finalement, c'est comme celui qui fume. Moi, je ne fume pas. Je ne veux pas arrêter, alors j'ai décidé de ne jamais commencer. Mais est-ce que je peux me dire, moi j'ai la volonté, c'est pour ça que je ne fume pas. Moi, j'ai la volonté de ne pas fumer. Un autre a la volonté de fumer. Il y a une raison intelligente de fumer, c'est terrestre et filumain, mais on parle de volonté. Alors il arrive ceci, la personne qui veut maigrir et qui voit son gros morceau de gâteau, est-ce que c'est une question de volonté? Non, c'est une question de manipulation, pas de volonté. C'est tout. La preuve, c'est simple, la preuve. Prenons l'exemple d'une personne qui mange des tranches de pain avec 1 mm de beurre dessus. Elle adore ça. Alors, elle s'en va lentement vers sa table. Et puis là, elle prépare son pain, elle met son beurre, et elle bouffe. Alors, à un moment donné, il y a un petit rusé qui met de la teinture brune ou d'un vert bizarre dans le beurre. Et là, elle arrive, elle ouvre son truc de beurre, puis elle voit ça. Puis là, elle se dit, crème. Elle n'en mangera pas. Elle va peut-être descendre l'escalier, sortir, aller au magasin et acheter d'autres beurres, en admettant que tout le beurre est laid. Elle n'en mangera plus. Parce que ce qui nourrit, ce qui la possède, ce qui la manipule, a besoin d'être stimulé par une mémoire qui a été répétée souvent. Et cette mémoire-là, ben, c'est le pain avec le beurre jaune. Pas du beurre brun, ou du beurre vert, bizarre. Regardez le fait de tout ce qui s'est passé au niveau de la margarine. C'est exactement ça. Les gens n'acheteront plus, ils vont trouver ça dégoûtant. Pourtant, c'est pas la couleur que tu manges. Ça change pas le goût. Mais la couleur, quand l'humain mange, dans la majorité des cas, il nourrit son corps physique, mais il nourrit aussi son corps psychologique. Il nourrit quelque chose qui manipule l'humain à manger ça. Mon corps a faim de telle chose. Pas grave, moi j'aime ça épicer. Oh, ouais, mais ça. Mais qui aime ça épicer? Pas le corps. On tue le corps, on brûle. On brûle le système gustatif, on brûle le système digestif. La boisson. Je suis nerveux, je vais prendre un verre, ça va me faire du bien. Ça regarde pas le corps. On omnibule un peu la conscience du corps, ce qui permet une plus grande manipulation, une plus grande expression de certaines choses. Alors, il n'est pas question de volonté. La preuve, la personne, elle ne mangera pas son pain si la stimulation, la manipulation, ne peut pas aller chercher ce qu'elle veut. La personne qui s'est toujours saoulée à la bière, donnez-y un verre de gin. Elle peut peut-être l'essayer, mais elle veut la bière. Si finalement c'est l'alcool qu'elle recherche, elle va pouvoir finir par s'habituer. L'être humain est manipulé de A à A. Et lorsque l'on veut changer un peu sa condition de vie, lorsque l'on veut changer la condition de son travail, la condition familiale, la condition simplement de notre corps physique, la condition de notre phénomène évolutif amélioratif, la condition de ce que nous sommes, si on est venu ici ce soir, c'est parce que de toute façon, il y a une condition à changer quelque part. Si c'était parce qu'on s'ennuyait, ben c'est ça, c'est une condition à changer. On ne doit pas continuer à vouloir travailler sur soi à un point tel qu'on va même perdre l'idée de ce que l'on fait comme travail. Il y a des êtres humains qui tirent un immense fardeau en arrière d'eux autres, puis ils tirent, puis ils veulent avancer dans l'évolution de leur vie. Puis la solution, c'est de lâcher le fardeau puis marcher. Mais le fardeau, c'est ton passé, ta tradition, tes mémoires. C'est ça qui est la source de la manipulation. Toutes les forces qu'on peut appeler sataniques ou d'involution proviennent de là. Alors, j'attache ma charrette avec tous mes bagages dessus, et puis là, j'avance. Puis là, on me dit, oui, mais tu souffles l'âge du passé. Mais je ne suis pas pour lâcher ma famille. Ta mère est toujours sur ton dos. Ton père te trouve un imbécile. Ils sont toujours en train de te dire que tu n'es pas bon, que tu n'es pas correct. Tu ne peux pas sortir avec une fille ou avec un gars sans qu'il chiale. Tu t'intéresses à l'ésotérisme ou aux témoins de Jéhovah, puis c'est toute la famille sur le dos complet. Toutes fois que tu les rencontres, c'est ceci, c'est cela. Ou bien, sont témoins de Jéhovah, tu ne veux pas l'être quand tu les rencontres, ils veulent te faire bouffer la Bible. Tu souffres. Si tu commences à arrêter de souffrir, l'âge du passé. La personne, elle va dans un spectacle, dans un party. Et puis là, elle n'a rien pour s'habiller. Hein? Elle s'est bien habillée, puis elle a renversé son verre de coke dessus. Fait que là, ben là, je ne peux pas sortir, j'ai plus rien à mettre sur le dos. Ben voyons donc, t'as des jeans, t'as des pantalons, t'as en masse de stock. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est mon roi de l'air? Si tes amis veulent que tu viennes dans le party pour voir ton linge, envoie-leur donc le linge. C'est simple. Si c'est toi qui veux le voir, devrait te le laisser venir comme tu vas arriver. Mais en réalité, ses amis, c'est pas le linge, c'est pas la personne qu'ils veulent. Ils ont besoin d'être stimulés par la personne dans le linge que les autres vont avoir décidé, dans le standard que la gang va décider. À un point tel que là, il est 11 heures, tu veux t'en aller, puis tout le monde te dit, t'es bien cassé de party. Toute la gang ne peut pas continuer à vivre si tu t'en vas. peuvent pas continuer à fêter, t'es un casse de party. Et là, la manipulation commence. À l'instant même où vous avez décidé de vous regarder, de dire, bon, qu'est-ce que je mets? C'est plus vous qui vivez. Vous compliquez la vie? C'est plus vous qui vivez. Vous êtes obligé de penser. Vous vivez pas pendant que vous pensez. Pendant qu'on pense, on fouille dans la mémoire. Et telle chose, non, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai imité un peu, je l'ai mis dans mon agenda. Ah, j'ai dit, bon, je fais pas ça, faut pas qu'il voie, bon. Là, on pense, qu'est-ce qu'on va mettre? Puis là, une fois qu'on est habillé, on regarde. Puis là, on regarde, puis on essaye de regarder, puis là, on sait plus. Les hommes, c'est pour ça un peu moins pire. Pour d'autres choses, c'est bien pire. Quand ils vont jouer au hockey, ils s'enlèvent ou c'est propre. Bon, ça dépend des choses, donc. Mais là, on pense. Et là, c'est qui va sortir à soir? Regardez juste à Noël. Combien d'êtres vivants fêtent Noël? Ils sont tellement morts qu'ils doivent la majorité se saouler la gueule pour arriver à vivre un peu plus, parce que sinon, ils n'y arrivent pas à rien faire. Alors là, ils doivent vérifier ci, vérifier ça, courir après ci, être nerveux après ça. Mais pendant ce temps-là, ils sont où, eux autres? Est-ce qu'ils se rendent compte? Est-ce que l'être humain, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites chaque jour qui n'est pas votre vie, pas en tout? Tous les problèmes, toute la problématique qu'on se donne. Je disais dernièrement à une de mes amies, une animatrice de radio, je lui disais, regarde bien ceci, on a deux enfants qui vont à l'école, puis deux mères de famille, disons, qui s'en occupent. Les deux enfants, il y en a un qui arrive tout bien habillé, tout bien organisé, bien peigné, soulier, bien illustré, puis il arrive à l'école. Toute l'école sait que sa mère, elle s'occupe de ses enfants. L'autre, il arrive, dit, jean un peu déchiré, chandail un peu défaite, le collet à moitié dedans, les vieux rilinchous, puis en plus, tout vert de gazon, il arrive à l'école. Toute la famille de l'école dit, hey, sa mère, elle s'en occupe pas. Il se trouve que c'est peut-être l'inverse. Il y en a une des mères qui dit, « Toi, mon petit tabarouette, là, tu vis pas, OK? Tu vas à l'école pour me représenter. Toi, t'as rien à dire là-dedans. Premièrement, tu respires l'air qu'on t'a loup, puis t'as pas besoin d'en exiger la pureté. Deuxièmement, tu vas mettre le linge qu'elle m'a donné, puis tu vas fermer ta boîte. » Mais là, tu reviens pas, elle cote pas ses murs. Elle revient pas sale. Là, l'enfant, il vit, est-ce qu'il vit, l'enfant? L'enfant, il s'en va, puis l'enfant, ben, il est tout à fait un robot, puis l'autre même va devenir un adulte qui va continuer à s'orchestrer pour les autres. Tandis que l'autre, ben, l'autre, il peut se traîner à terre, il peut jouer, c'est un enfant, c'est normal qu'il joue, c'est qu'on lui donne du linge pour qu'il se colle ses murs, puis qu'il est bon, puis ça va à l'école. Mais bien souvent, notre société est manipulée, juge les humains à leur assujettissement à la norme, à la normalité, au collectivisme. On juge l'humain comme ça. Vous allez dans une fête, puis vous partez toujours trop de bonheur. Eh bien, on va vous juger. Pourquoi? Bien, vous ne faites pas comme tout le monde. C'est pas normal. C'est peut-être naturel, mais pas normal. Vous allez travailler à l'aise. C'est sûr que si vous rencontrez du public, bien, le public étant manipulé, le public aura besoin que vous soyez propre. J'ai été ambulancier. Moi, il y a eu une époque où, quand on était ambulancier, bien, on n'avait pas besoin d'avoir de barbe. Parce que quand un gars qui a du poil, il ne peut pas aider quelqu'un sur la rue, c'était absolument impossible, c'était impensable. Bon, c'était logique. À un moment donné, il y a eu une guerre entre le service de la police de Montréal et le système ambulancier privé. Lentement, l'urgence santé s'est instaurée, puis finalement, ils ont pris le dessus sur le système le transport médical policier. Mais là, pour faire la différence, les ambulanciers, il y en a qui avaient déjà des barbes, même s'ils n'étaient pas bons, mais du jour au lendemain, ils sont devenus bons. Quand un barbu arrivait, c'était pas un policier. Fait que là, on savait qu'il pouvait aider l'humain dans un accident. Alors, lentement, les ambulanciers ont eu des barbes, puis là, le public, il fallait tailler une barbe. Là, ils te reconnaissaient comme étant au moins un technicien médical d'urgence, et non pas un policier. C'est ça, le stéréotype. Moi, j'ai travaillé avec une femme longtemps. On arrivait dans une maison, ma compagne cognait, puis là, on ouvrait, puis on disait « urgence santé », ils ont appelé l'ambulance. Et là, ça disait « pas une femme! » Souvent, c'est la réception qu'on avait. Alors, on riait. Tu sais qu'on fasse d'autres? On riait. Et puis, on entrait, puis on s'en occupait, puis on sortait avec pour s'en aller. Puis après ça, rendu à l'hôpital, bien, c'est extraordinaire qu'une femme puisse faire ça. Yo, je suis un homme, le fais-moi tout. Mais non. C'est extraordinaire que la femme le fasse, l'homme. Ça, c'est le stéréotype. Et on est manipulé comment dans notre vie? Continuellement à regarder le monde par nos yeux, à travers une vision des yeux de tout le monde. Alors, qu'on appelle ça Satan, qu'on appelle ça les forces d'involution, qu'on appelle ça les forces du mal, qu'on appelle ça ce que l'on voudra, ça n'a aucune importance. Une chose est sûre, c'est que c'est ça qui vit notre vie. Une grande partie, les trois quarts peut-être plus de notre vie, est vécue par ce cossin-là, pas par nous. Je me lève le matin et je m'en vais faire mon café, j'allume ma cigarette, puis je bois, puis je fume. Puis après ça, ben là, est-ce que j'ai eu conscience que j'ai bu un café puis que j'ai fumé une cigarette? Ben, écoute bien, il y a un mégot, un cendrier, je l'ai allumé certain. C'est pas ça que je te dis. Je veux pas savoir si ton corps a allumé une cigarette, je veux savoir si toi, tu as allumé une cigarette. Tu t'habilles, tu t'en vas travailler, tu t'en vas jusqu'à ton bureau, jusqu'à ton endroit. Est-ce que tu as conduit ton automobile? Ou si ton corps, avec des mémoires, ont conduit le char pendant que toi, tu étais en train de continuer ton rêve? As-tu vu ce qui s'est passé en t'en allant? As-tu vu des choses? Tu arrives au travail, c'est qui va travailler? On habite le corps. On chicane, c'est qui chicane? On est frustré, c'est qui est frustré? On regarde une partie de hockey, puis on est là, « Yeah, on a gagné! » Crime, tu joues même pas au hockey. C'est ce qui arrive. Ça rend pas la vie plate que de le voir. Il y a un jeune qui me disait, « Hey, depuis qu'on va sur la Lune, Neil Armstrong, non? C'est quoi ton nom? Ah, ben, t'as déjà été sur la Lune? » Oh, ben, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu n'as même pas besoin de te forcer. Quelqu'un l'a déjà réussi, alors tu peux dire « on a réussi ». Hey, on était en forme, nous autres, les Canadiens! Ah ouais, les Canadiens de Montréal étaient en forme. On était en forme, nous autres, les Canadiens! Toute la vie est orchestrée pour que d'un côté de ce qui est vécu, se vive quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal et qui vient nous investir et qui nous manipule. Et il y a un autre côté qu'on connaît, mais qu'on connaît peu, notre côté, notre vie. Dans ce côté-là, je dis, je sais ce que je vais faire. Je vais rencontrer telle personne et je vais lui dire. Et dans l'autre côté, on se fait investir. Il faut sécréter de l'émotion, des hormones, et là, ça y va. Fait que là, tu viens pour rencontrer la personne, tu commences à transpirer, tu commences à avoir la patate qui se débat. Puis là, ben là, tu sais plus, puis là, tu oublies ce que tu vas y dire. Oui, parce que lentement, tu es en train de te faire investir par ce qui te manipule. Alors, quand tu arrives devant, tu as tout oublié. Ça va de soi, tu n'es plus là. T'as pas oublié, tu n'es plus là. La preuve, tu n'as pas oublié, c'est qu'après l'événement, ah là, je m'en rappelle ce que tu voulais lui dire. Tu n'as pas oublié. Tu sais tout avant un examen, tu présentes de l'examen, puis tu le coules. Après l'examen, tu te rappelles des réponses. Eh oui. T'as pas oublié. Ah, oh, ça, c'est la nervosité. La nervosité, c'est l'expression du début de la manipulation. C'est pas la nervosité qui nous rend de même. La nervosité, c'est une expression émotive qui nourrit. On commence à nourrir une chose qui n'est pas nous autres. Je peux nourrir de mon émotion mon enfant, ma femme, mon ami. Mais si l'émotion arrive sans même que je la contrôle, sans même que je la commande, l'émotion peut être la peur, peut être la joie, quelle que soit l'émotion. Si elle arrive au détriment de moi-même, je nourris n'importe quoi. Il y a un rôle fondamental, il y a une fonction à l'humain sur la planète, à l'humain dans le système solaire, à l'humain dans cette galaxie, à l'humain dans cet univers, à l'humain dans ce super univers, à l'humain dans cette création. Il y a une fonction. C'est pas juste des acides aminés qui, à un moment donné, se sont reliés ensemble pour bâtir un corps de chair qui, finalement, est devenu un batailleur, un tueur, un constructeur pour pouvoir démolir un homme. Pas un hasard. Chaque fois que je me suis fié au hasard, je me suis fait avoir. Le hasard fait pas assez bien les choses pour avoir bâti un humain. Il y a une raison. Et il y a aussi une raison pour que l'être humain soit manipulable et manipulé. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons. Quelle que soit la raison, c'est la conscience qui habite les corps ici qui va devoir payer pour la raison de la manipulation. Si l'être humain est capable de comprendre qu'il est manipulé, si l'être humain est capable de comprendre qu'effectivement, il faut croire que son corps est partagé en deux consciences, il faut croire que sa vie ne lui appartient pas complètement. Si l'humain est capable de s'en rendre compte, c'est qu'il y a une raison intelligente pour que l'humain le découvre. S'il y a une raison intelligente pour que l'humain le découvre, cette raison-là, c'est sans doute que l'humain arrive à s'en sortir. Une chose certaine, chaque fois que l'on fait quelque chose et que par la suite on se sent coupable, qu'on a honte, qu'on est gêné, qu'on est nerveux, pas nous autres. Qui ont fait la chose. Une personne va dire, ah bon, ça veut dire que je peux rentrer dans un dépanneur, faire un vol la main armée, m'en aller chez nous, puis me dire, ben, c'est pas de ma faute. T'as raison, c'est pas de ta faute. Maintenant que tu le sais, c'est pas de ta faute, prends l'argent, va le remettre. Mais si tu gardes l'argent, c'est que tu es encore assujetti à la manipulation. C'est que tu as appris, la partie manipulatrice a appris qu'elle pouvait peut-être se sentir, dégager l'autre un peu en lui disant que ce n'était pas de sa faute. C'est votre corps qui est manipulé. L'exemple le plus évident de la manipulation, c'est l'exemple que je donne souvent. On veut aller faire du jogging, et puis on se lève le matin, tout bien prêt, on s'habille, on s'organise comme il faut. On transpire un peu avant pour que le voisin sache que tu es en forme. Après ça, quand on vient pour sortir, on se rend compte qu'il pleut à verse dehors. Et puis là, on se met à chialer. La pluie est le maître. Elle détermine comment je vais vivre ma journée. Vous avez une crevaison d'auto, une crevaison de pneus, disons. Et puis, vous chialez. Le pneu est votre maître. C'est lui qui contrôle votre état psychologique. Votre chien ne vous amène pas vos pantoufles. Il est votre maître. Votre patron arrive de mauvaise humeur parce qu'il est manipulé de A à Z. Je ne sais pas, dites-le pas non plus. Il n'y a rien de pire que de dire à un être humain qui est convaincu qu'un libre-arbitre qui est manipulé. Et puis là, il passe à côté de vous, il vous donne 3-4 bêtises, puis il s'en va. Puis là, vous êtes toutes défaites. Votre patron est votre maître. Regardez combien de fois la matière et l'événement est votre maître. Et vous verrez que la manipulation, elle existe et qu'elle provient d'ailleurs de là. De la faculté que vous avez d'accepter inconditionnellement le fait que vous avez un libre-arbitre. C'est ça le piège. Moi, j'ai un libre-arbitre. Moi, je suis important. Je fais du jogging. Il ne devrait pas pleuvoir. C'est ça qu'on veut dire quand on dit « maudite température ». C'est ça qu'on veut dire. On veut simplement dire qu'il ne devrait pas pleuvoir. Une crevaison. Là, on sort. Là, on chiale. C'est sûr. Précieux comme on est. Il ne faut pas être crevaison. Char là, l'autre en bas, n'importe qui, pas moi, ou pas aujourd'hui. Mais le problème qu'il y a, c'est que toujours, ça ne sera pas aujourd'hui. J'ai déjà dit que lorsque un voyageur demandait à Dieu du beau temps et qu'un paysan demandait à Dieu de la pluie, que Dieu hésitait. Alors, imaginez-vous bien que le libre-arbitre déjà n'existe pas. Mais ça ne sert à rien de faire des projections, de faire de la pensée positive. Ah, il va faire beau, ah, il va faire beau, ah, il va faire beau. Il y a 4 cultivateurs qui sont chez eux. Ah, il va pleuvoir, ah, il va pleuvoir, ah, il va pleuvoir. Ah, attendez-vous pas, mais est-ce que ça fonctionne? Il fera ce qu'il fera. Et vous devez rester vos maîtres. Savez-vous ce que c'est de la pluie? C'est juste de l'eau qui tombe. Et ça, de la pluie. Oh, mais présentement, il y a des petites particules d'acide sulfurique et nitrique dedans. Bon, ça décape. Ça va. Mais la pluie, c'est de l'eau qui tombe. La neige, c'est de l'eau en cristaux qui tombe. Simplement. Quand il fait chaud, c'est de la chaleur. C'est juste ça. Quand on a une crevaison, ben c'est un trou dans un bout de caoutchouc, puis il y a de l'air qui a fait pfff à travers. C'est juste ça. Et quelle que soit la chose qui arrive, c'est juste ça. Ce n'est pas votre maître. Ça ne devrait pas manipuler l'humain, mais ça le manipule. Vous savez qu'une guerre, ça se fait à deux. Une chicane, ça se fait à deux. Alors la personne qui est là, elle est manipulée, elle est irritée, etc. Ben, commence à me donner des bêtises. Et puis moi, ben moi, je fais attention. Parce que si je me mets à dire « Ah! » Ben là, je la pique deux fois plus. C'est normal, elle est frustrée de ne pas être capable d'exprimer convenablement sa colère. La partie qui le manipule. Je dois apprendre à jouer pour pas non plus obliger l'autre à payer pour ce que moi, je ne veux plus payer. C'est des choses qui vont se faire lentement. Parce que lorsqu'une personne dans un couple normal, vous savez, un couple qui se tire les assiettes de temps en temps, un couple qui s'engueule, un couple qui chicane, un couple qui se dit, ben, t'es plate, puis tu m'aimes-tu, puis je suis pas sûr, puis prouve-moi les, puis en tout cas, un couple normal, bon. Un couple heureux! Ben, ce couple-là, lorsqu'il y en a un qui, finalement, devient plus doux, plus pacifique, plus maître, il va frôler le divorce. Parce que l'autre personne ne peut plus le manipuler. Là, soir, là, on s'en va voir ma mère, puis tu viens. Bon, on va prendre ma douche, je me couche. Là, tu rentres dans la chambre, ton linge est sorti. Hein? Tu viens. Et si finalement, non, tu n'es pas manipulable, tu te couches. L'autre, là, il va avoir de très gros problèmes parce que vous l'avez habitué, il a passé sa vie à être manipulé et à manipuler. La manipulation, elle va loin. Je répète que la puissance de cette force, c'est votre mémoire, votre tradition, vos habitudes. Il y a une nuance majeure entre refaire la même chose et répéter la même chose. Celui qui répète est inconscient de ce qu'il fait. Celui qui refait est conscient. Et parce qu'il est conscient, ce qu'il fait, c'est la première fois qu'il le fait. Alors, je dis à quelqu'un, non. Il revient, je lui dis, non. Je répète pas, je lui dis, non. Je lui fais signe que je n'ai pas changé. Je répète pas. Celui qui répète, qui allume les cigarettes, qui répète, qui s'en va, qui répète tout. Il conduit son automobile, puis il répète tous les mêmes gestes jusqu'à son bureau, il répète les mêmes gestes, il pèse plutôt d'ascenseur, puis il se rend compte qu'il est là, puis bon, tu sais, c'est lui qui répète. Il vit pas. Il a pas besoin de vivre, parce que toute sa mémoire, elle a suffisamment d'expérience de la vie pour vivre à sa place. Et il est manipulable, il est manipulable. Alors, il sera toujours, chaque fois que dans la mémoire, quand la mémoire va venir pour s'exprimer, puis que les événements ne seront pas en conformité avec l'attente de la mémoire, frustration, expression, colère, etc., manipulation. Alors, on va faire une petite pause de 20 minutes. Vous avez une heure de questions par la suite où vous posez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi. Arrangez-vous pour pas trop vous sentir manipulé en descendant. Hein?